الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، فاتقوا الله تعالى وخافوا المقام بين يديه للجزاء والحساب، فإن من خاف ربه في هذه الدنيا أمن يوم القيامة وفاز بالنعيم المقيم في دار الكرامة، كما قال الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أيها المسلمون، إن الخوف من الله تعالى أحد الأسس التي تقوم عليها عبادة العبد لربه، فإن المؤمن يعبد ربه على أساسين عظيمين، هما الخوف من الله والرجاء فيه، كما قال تعالى: وادعوه خوفا وطمعا. لقد أمر الله عز وجل عباده بالخوف منه، فقال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. حذر عباده نفسه، فقال تعالى: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، أي يخوفكم عذابه وسخطه ونقمته إن أنتم عصيتم أمره وارتكبتم نهيه، فإن مصيركم إليه يوم القيامة. وقد جاء في الكتاب والسنة من الوعيد على المعاصي بالعقوبات العاجلة والآجلة، وقد قص الله تعالى في كتابه إهلاكه لمن كذبه وكذب رسله وعصى أمره وارتكب نهيه، فأغرق قوم نوح بالطوفان، وأهلك قوم لوط بالحجارة، وقلب أرضهم عليهم، وأهلك عادا بالريح، وأهلك ثمود بالصيحة، وأهلك فرعون وجنوده بالغرق، وأهلك قارون بالخسف به وبداره، فابتلعتهم الأرض، أعاذنا الله وإياكم من أسباب سقطه. قال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Serviteur d'Allah, ayez peur d'Allah, craignez Allah comme il se le doit, et craignez le jour où vous serez debout devant lui pour rendre des comptes. Vous serez jugé sur toutes vos actions. Celui qui a eu peur de son Seigneur et qui a craint son Seigneur dans ce bas monde sera protégé, aura la sécurité le jour du jugement dernier, et il gagnera les délices qui perdurent dans la demeure où il y a où on est honoré. Comme Allah le dit dans le sens du verset: et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura deux jardins. Et de même qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit: et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. La peur d'Allah tabaraka wa ta'ala est un des deux piliers sur lequel est basée l'adoration du serviteur vers son Seigneur. Car le croyant adore son Seigneur avec ces deux piliers énormes qui sont la peur d'Allah et l'espoir en lui, comme Allah nous dit dans le sens du verset, et invoquez-le avec crainte, peur et espoir. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ses serviteurs d'avoir peur de lui. Allah nous dit dans le sens du verset, n'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Et Allah aussi met en garde ses serviteurs d'être en garde face à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le sens du verset, Allah vous met en garde à l'égard de lui-même. Et c'est Allah le retour. C'est-à-dire, Allah vous fait peur de son châtiment, de son courroux, de sa colère. Si vous venez à lui désobéir à son ordre ou de commettre son interdit, sachez que vous retournerez vers lui le jour dernier. Et dans le Coran et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, combien de textes nous parlent de la menace face à ceux qui désobéissent, qu'ils auront des châtiments tôt ou tard. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous cite dans le Coran, dans son livre, comment il a détruit et il a anéanti et puni ceux qui ont démenti Allah, qui l'ont démenti, qui ont démenti ses messagers, qui ont désobéi à son ordre, qui ont commis son interdiction. Il a fait noyer le peuple de Nuh par le déluge. Il a anéanti le peuple de Lot par les pierres qui leur sont tombées dessus et il a retourné la terre contre eux. Il a détruit et anéanti le peuple de Ad par la tempête ou le vent. Il a anéanti et détruit le peuple de Thamoud par le cri. Il a anéanti Pharaon et ses troupes et ceux qui étaient avec lui par la noyade. Et il a anéanti et détruit Qarun lorsqu'il a été englouti dans la terre, lui ainsi que ses biens et sa demeure, et la terre les a avalés. Qu'Allah nous préserve tous, nous ainsi que vous, des causes de sa colère et de son courroux. Allah nous dit dans le sens du verset, nous saisîmes donc chacun pour son péché. Il y en eut sur qui nous envoyâmes un ouragan. Il y en eut que le cri saisit. Il y en eut que nous fîmes engloutir par la terre. Il y en eut que nous nous noyâmes. Cependant, Allah n'est pas tel à leur faire du tort, mais ils ont fait du tort à eux-mêmes. اللهم اردنا الى دينك ردا جميلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وفقنا اللهم لما تحبه وترضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله اكبر الله اكبر اشهد ان